changer. Elle parle, elle s'en va, elle casse tout. Elle vire tout. Elle vire tout. Elle a beau être une peste, elle a beau se rendre indigeste. Moi je l'aime plus que tout. Je sais la détromper, elle vire ses souhaits, je voudrais l'imiter. Elle parle, elle s'en va, elle casse tout. Elle vire tout, elle vire tout. Elle n'est pas si bête et aime bien les câlins. Se prend un panneau en pleine tête, tout ça à cause d'une chouette. Elle parle, elle s'en va, elle casse tout. Être une peste, elle a beau se rendre indigeste. Moi je l'aime plus que tout. Moi je l'aime plus que tout. Elle devient une grande et revit mes histoires. Amitié qui flambe. Ne vois pas la vie en noir. Elle parle, elle s'en va, elle casse tout. Elle vire tout. Elle vire tout. Elle a beau être une peste, elle a beau se rendre indigeste. Moi je l'aime plus que tout. Tout.